نعم. طيب، on va commencer inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours numéro 23 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha, le sharh de Sheikh Ubayd al-Jabiri, حفظه الله تعالى. Et c'est le sharh qui s'intitule Ithaf al-Uqul bi sharhi thalathati al-usul. Donc on est arrivé dans l'énumération des différentes ibadat à une adoration qui s'appelle al-isti'ana. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne la preuve de cette adoration là. Il dit: wa qala al-musannif rahimahullah wa dalil al-isti'ana قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. Donc c'est à dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit la preuve de l'isti'ana, le fait que le chercher l'aide d'Allah, de demander à Allah son aide, que ça fait partie de l'adoration, c'est la parole d'Allah dans sourate al-Fatiha lorsqu'il dit: c'est Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Et également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: idha sta'anta fasta'in billah, si tu demandes l'aide, demande l'aide d'Allah, si tu demandes l'aide, demande l'aide d'Allah seul. Et donc le cheikh il explique ici, il dit: حفظه الله تعالى: الاستعانة طلب العون وهي قسمان: طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا خالص حقه سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني طلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وشروط هذا: أولا أن يكون المخلوق قادرا، لأنك لو استعنت بغير قادر وأنت تعلم من حاله ذلك، فإنك أحرجته وكلفته ما لا يتيق، وهذا لا يجوز. الثاني أن يكون حيا. والثالث أن يكون حاضرا، وقد يستعان بالغائب في أحوال معينة، وقد يتصل بغائب أو يكاتب فيطلب منه الإعانة بماله أو بجاهه. وفي الآية أمر بالعبادة وبالاستعانة: وإياك نعبد وإياك نستعين. وسر ذلك، سر ذلك قال بعض أهل العلم: لأنه لا يمكن أداء العبادة على وجهها الصحيح دون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que le fait de demander l'aide d'Allah c'est de deux catégories. C'est de deux catégories. La première catégorie dans la demande de l'aide, c'est de demander ce que seul Allah peut faire. De demander de l'aide dans ce que seul Allah est capable de faire. Et ça, c'est le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Et de demander à quelqu'un autre qu'à Allah ce que seul Allah est capable de faire, c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir de la religion. La deuxième catégorie d'isti'ana, c'est de demander l'aide d'une créature dans ce qu'il est capable de faire. D'accord ? Et ça demande de respecter certaines conditions. Ça demande de notre part qu'on respecte certaines conditions pour que ce soit valable. Et il mentionne trois conditions, le cheikh. Premièrement, il faut que tu lui demandes, alors que c'est une personne qui a la capacité, qui est capable de t'aider. Tu lui demandes de faire quelque chose qu'il est capable de faire ou qui fait partie de ce qu'un être humain ordinairement est capable de faire, mais à condition, premièrement, que la personne soit en capacité elle-même de le faire. Hein? Parce que si tu demandes de l'aide à quelqu'un qui est incapable, alors que tu sais qu'il est incapable, alors tu le mets dans la gêne. Hein? Tu le mets dans la gêne et tu lui imposes quelque chose, tu lui demandes quelque chose qu'il ne peut pas supporter, qu'il n'est pas capable de faire. Et ça, c'est pas permis. Et quand le cheikh il parle de ça, il dit dans le sens que si tu demandes à quelqu'un quelque chose que la personne n'est pas capable de faire, yani, tu sais que par exemple cette personne-là en particulier elle n'est pas capable de le faire, peut-être parce que c'est le fait que la personne elle a pas la capacité physique, hein, dans le sens que si par exemple tu demandes à quelqu'un de porter une boîte ou un paquet et que tu sais très bien que ce paquet-là il est trop lourd et que cette personne elle n'est pas assez forte pour le soulever, ou bien que la personne en question elle a un handicap, ou bien elle a une infirmité qui fait que la personne ne sera pas capable de porter ce paquet-là ou ce sac-là. Donc ça, c'est, dans ce cas-là, c'est pas permis de lui demander dans ce cas-là. Mais si tu lui demandes quelque chose qu'aucun être humain est capable de faire excepté Allah, hein, que personne n'est capable de faire excepté Allah, eh bien, si tu demandes ça dans ce cas-là, ça c'est shirk. Hein? Ça, c'est-à-dire que d'après ce que je vois de qu'est-ce que le cheikh il mentionne, il a mentionné qu'il y a deux catégories de demandes d'aide. La première, c'est de demander à Allah ce que seul Allah est capable de faire, et donc ça, c'est son droit exclusif. Si tu le demandes à quelqu'un autre que Allah, tu as commis du shirk majeur dans ce cas-là. Et le fait de demander à une créature quelque chose qu'il est capable de faire. Hein? Puis là, il dit quelque chose qu'il est capable de faire, mais la première condition, c'est que la personne, tu lui demandes alors qu'il est capable. C'est comme par exemple quelqu'un qui est dans une chaise roulante, tu lui dis marche avec moi pour aller faire quelque chose. Tu sais très bien que la personne ne peut pas marcher. Hein? Donc ça c'est logique. Deuxièmement, que la personne soit vivante. Et ça c'est important. Parce que si tu demandes à un mort, même si c'est quelque chose qu'il est capable, ordinairement un être humain est capable de le faire, hein, mais ça c'est du shirk. Pourquoi? Parce que tu demandes à quelqu'un qui est mort, et quelqu'un qui est mort, il peut rien faire pour toi. Hein? S'il était vivant, peut-être, il pourrait le faire, mais c'est, du moment qu'il est mort, là tu ne peux pas lui demander. Et donc, ça réfute aussi les gens qui... parmi les gens de Bid'ah, parmi les mouchriquins de notre époque, hein, et parmi certains, parmi les égarés, parmi les soufis, hein, ils vont par exemple demander à des morts. Et ils vont utiliser comme argument le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il est vivant par exemple dans sa tombe. Hein, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran que les martyrs, ils sont pas morts, hein, ils sont vivants dans leur tombe. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que les martyrs, yani, sont vivants et qu'ils reçoivent leur subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est important de comprendre que même s'ils sont vivants dans leur tombe, ils sont dans le barzakh. Et le barzakh, hein, le barzakh, c'est une vie entre cette vie et l'au-delà. Hein, c'est un monde entre les deux et c'est une autre réalité, une réalité qui est différente de la réalité de ce bas monde et qui est régie par des règles qui sont différentes des règles de notre bas monde. Et la personne, une fois qu'elle est morte et qu'elle est dans le barzakh, elle ne peut plus revenir dans le monde des vivants et elle ne peut plus non plus faire quoi que ce soit pour les vivants, même si elle est vivante dans le barzakh. Donc ça c'est important de le comprendre, d'accord, parce que eux ils essaient de faire tromper les gens en leur disant oui mais yani, ils sont pas morts. D'accord, ils sont pas morts, mais est-ce qu'ils sont vivants dans ce bas monde ou sont vivants dans l'au-delà, dans le barzakh? Donc il faut faire la distinction entre les deux. Être vivant dans le barzakh, c'est ça la signification de la mort pour les martyrs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Donc ça veut dire, Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas certes mourir et eux aussi vont mourir. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux pas nier qu'il est mort. Hein? Même les sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils l'ont enterré, ils ont fait la salat sur lui. Hein? Donc ça c'est la preuve qu'il n'est pas vivant. S'il était vivant, ils auraient pas agi avec lui de cette façon. Et ainsi de suite. Donc il y a plein de preuves que leur parole, là, quand ils disent ça, c'est ridicule. Donc celui qui demande à un mort, il a commis du shirk majeur. Troisième condition, un yakuna hadiran. Il faut que la personne elle soit présente. Si tu appelles quelqu'un ou tu demandes de l'aide à quelqu'un qui est en Afrique alors que toi tu es à Montréal, hein, et tu dis à ton cher par exemple qui est en Afrique, viens m'aider, il ne peut pas venir t'aider. Déjà il ne t'entend pas. Et si tu crois qu'il t'entend, il y a un problème, hein, dans ta aqida. Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui entend tout. Et donc dans ce cas-là, il faut donc que la personne soit présente. Ou bien si tu l'appelles de loin, peut-être tu peux utiliser le téléphone. Ou bien tu lui écris, tu lui envoies un email, ou tu lui écris une lettre, tu lui demandes de l'aide, tu dis envoie-moi de l'argent, ou envoie-moi quelque chose, j'ai besoin de tel produit, envoie-le-moi. Ça c'est correct, parce que la personne, tu rentres en contact avec elle réellement, directement. Mais de l'appeler comme ça, tu cries son nom, puis la personne est à des kilomètres, elle ne peut pas t'entendre, alors ça, c'est pas permis. Et ça rentre dans le shirk aussi, quand tu demandes à quelqu'un qui est absent, ou quelqu'un qui est pas présent. Et il y a des gens qui ont la aqida que la personne qu'ils appellent, même si c'est à une distance, ils vont les entendre. Et c'est ça qui est shirk aussi, parce que tu donnes à une créature une attribut divine. Hein, ça c'est pas permis, c'est du shirk. Donc ça c'est les trois conditions: que la personne soit capable, que la personne soit vivante, que la personne soit présente. Ça c'est les conditions. Et il dit que dans le verset, quand on dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il y a un secret là-dedans. Il y a un secret dans ce verset-là. Quand tu dis c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide, le secret que certains ulama ont mentionné à ce sujet-là, c'est que tu ne peux pas adorer Allah sans son aide. C'est pour ça que ces deux choses-là sont réunies. Hein? Donc, sans l'aide d'Allah, tu ne peux pas l'adorer même si tu veux faire des efforts. C'est uniquement par l'aide d'Allah que tu peux l'adorer. Et la preuve de ça, c'est que, regardez par exemple la personne qui est en bonne forme, en bonne santé, et qui a toutes ses capacités physiques, mais qui est pas capable de faire la salat. Pourquoi? Parce que elle trouve ça trop lourd. Alors que c'est pas long, alors que c'est facile. n'y a pas aucune difficulté là-dedans. Peut-être que si tu lui demandes de courir 100 mètres, hein, il va le faire. Mais si tu lui demandes de faire ta salat, non. Pourquoi? Pour lui, c'est trop dur. Donc c'est Allah qui facilite l'adoration pour quelqu'un. Sans l'aide d'Allah, tu ne peux pas l'adorer. Hein? Donc c'est important ça. De demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Ensuite, le cheikh il dit, il passe maintenant à la prochaine adoration. قال المصنف رحمه الله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Donc le cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il mentionne maintenant la preuve de la demande de refuge, la recherche du refuge en Allah. C'est-à-dire tu demandes à Allah de te protéger, tu te réfugies en lui, hein, contre n'importe quelle chose qui peut être mauvaise pour toi. Et ici il dit قل أعوذ برب الفلق. الفلق c'est quoi? C'est l'aube naissante, hein, si je ne me trompe pas là, si je n'ai pas oublié. قل أعوذ برب الفلق, c'est l'aube naissante. J'avais raison. Alhamdulillah. Donc, tu dis, je cherche refuge en Allah contre l'aube naissante. Et l'autre verset, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, dit, je cherche refuge en le Seigneur des hommes. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Donc, tout ça, c'est des exemples de isti'adha, al-isti'adha. En arabe, hein, quand tu veux dire la demande de quelque chose ou la quête de quelque chose, n'importe quel verbe, tu le mets sous cette forme istif'al, ça va donner le sens de demander, hein, quelque chose. Donc, al-'audhu, quand tu dis a'udhu, tu le mets sous la forme de isti'adha, puis ça veut dire le fait de demander, hein, la protection et le refuge. Et ici le cheikh il dit ça c'est une forme d'adoration parmi les adorations, et Allah l'a ordonné. Il dit le cheikh Ubayd hafizahullah ta'ala, hatan al ayatan al karimatan awwal awlahuma bad bad surah al falaq wa thanihuma bad surah an nas والشاهد منها في الاستعاذة بالرب وهو سبحانه وتعالى وهو رب الناس والاستعاذة هي طلب العوذ والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هربا من المكروهات وهاتان السورتان كما تعلمون هما سورة الناس والفلق وقد تضمنت السورة وقد تضمنت سورة الناس خاصة أنواع التوحيد الثلاثة. Bon, le cheikh il dit que ces deux versets, ces deux nobles versets, le premier c'est le début de sourate al-Falaq, le deuxième c'est le début de sourate an-Nas. Et qu'est-ce qu'on veut tirer de ce verset-là? C'est le fait que on doit, c'est une adoration de demander à Allah de chercher refuge en Allah, et que Allah est le Seigneur des hommes. Il est le Rab des hommes. Et al-isti'adha en arabe, ça veut dire talab al-awth wa l'iltija ila Allah. Ça veut dire de demander à Allah le refuge, hein, et la protection, et de se réfugier en Allah subhanahu wa ta'ala en s'enfuyant vers lui des choses nuisibles ou des choses mauvaises. Et ces deux sourates, comme vous le savez, Sourate An-Nas et Sourate Al-Falaq, elles comprennent, hein, et en particulier, le cheikh dit en particulier Sourate An-Nas, elle comprend les trois catégories de Tawhid. Les trois catégories de Tawhid, Al-Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma Al-Sifat. Qul A'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Donc il y a les trois catégories de tawhid là-dedans. Et le cheikh il dit tawhid al-rububiyya, qul a'udhu bi rabbin nas, rububiyya, rabb. Hein? Rububiyya, rabb, rabbin nas. Tawhid al-uluhiyya, ilah al-nas, ilah uluhiyya, ilah uluhiyya, tawhid al-uluhiyya, ilah al-nas. Malik al-nas, al-malik, huwa Allah subhanahu wa ta'ala. توحيد الأسماء والصفات فعلماؤنا وأئمتنا حين قرروا أنواع التوحيد الثلاثة لم يقروها اعتباطا من أنفسهم بل باستقراء الكتاب والسنة ومن أقدم المتكلمين بتقسيم التوحيد أبو يوسف صاحب أبو حنيفة Rahimallahul Jami'a. Donc le cheikh il dit que le tawhid dans la Seigneurie c'est établi dans le premier verset dans Surat al-Nas quand Allah dit ô Muhammad, je cherche refuge en le Seigneur des hommes. Le Seigneur. Donc le Seigneur, ça c'est la preuve de la Seigneurie, de l'unicité d'Allah dans sa Seigneurie. Et la preuve du tawhid dans l'adoration, al-uluhiyya, ilahun nas, celui que les hommes adorent, hein, c'est lui la divinité, celui que les hommes adorent. Wa tawhid al-asma wa sifat, yani, c'est établi par le verset malikin nas, le maître des hommes, le roi des hommes, hein. Donc ces trois catégories là, ça c'est parce que al-malik c'est un des noms d'Allah. Hein? Donc, nos ulama et nos imams, lorsqu'ils ont établi la division du tawhid en trois catégories, ils ne l'ont pas établi en l'inventant d'eux-mêmes. Plutôt, ils l'ont établi en faisant la lecture du Coran et de la Sunna. Hein? Et il dit que un des plus anciens parmi ceux qui ont mentionné cette division du tawhid en trois catégories, c'est hein, Abu Hanifa, le compagnon de l'imam, pardon, Abu Yusuf, le compagnon de l'imam Abu Hanifa, un des deux grands élèves, parmi les deux plus grands élèves de Abu Hanifa, un des deux c'est Abu Yusuf. Et c'est lui le plus ancien qui a mentionné cette division du tawhid en trois catégories. Parce qu'il y a certains parmi les gens de Bid'ah qui essaient de nier ça. Ils disent non, il n'y a pas trois catégories de tawhid, il y a juste une catégorie. Pour eux, c'est tawhid al-rububiyya. Ils disent tawhid al-uluhiyya wa al-asma al-sifat, ça n'existe pas. Et ils disent, ils prétendent que ça n'existe pas, alors qu'on voit très bien dans le Coran que ça existe. Je l'ai trouvé, mais je ne sais pas s'il donne. Ah oui. Donc, il est né en l'an 113 de la Hijra. 113 de la Hijra, Abu Yusuf. Donc, vous voyez que c'est ancien. Hein? Abu Yusuf, il est mort en 182. Après la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est arrivé avec Ibn Taymiyyah, comme certains disent. Hein, ils disent la division du tawhid c'est inventé par Ibn Taymiyyah. Non, bien avant Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah il est né en quoi? En 628. Ouais, à peu près. À chaque fois, j'oublie sa date de naissance. Je pense que c'est 628 ou quelque chose comme ça. Donc, ça c'est tard. Hein? Bien avant lui, il y a des ulama qui ont mentionné les trois catégories de tawhid. Et, de toute façon, hein, il est mentionné. La division du tawhid en trois catégories, elle est claire dans le Coran. Elle est claire dans le Coran. Et le cheikh, il dit ensuite... وقال المصنف رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث وهو الدعاء حال الشدة ويفرق أو يفرق نعم ويفرق وإلى ديفيرانس يفرق ويفرق ها يعني أنا أجي مفعول بي أنا أجي فاعل مفرق سي سولوي كي يعني يفرق سي سي celui qui fait l'action, qui divise, qui sépare. Et yufarraq, hein, ça veut dire, ça c'est mabni lil majhoul, ça veut dire c'est la forme, il y a une qui est la forme passive, une qui est la forme active. Hein. Comme si tu dis al-mufarriq, al-mufarraq. Al-mufarraq c'est qu'est-ce qui a été séparé. Al-mufarriq c'est qu'est-ce qui sépare. Mais ici, yufarriq, c'est celui, c'est-à-dire il sépare. Yufarraq, on sépare. On a séparé. Donc, ça c'est passif, la forme passive. Donc, vous voyez comment une haraka ça peut changer le sens d'un mot ou d'un verbe. C'est important de bien faire attention pour ça, à cause de ça dans la langue arabe. Et donc, ici il dit يُفَرَّقْ بَيْنَ الْإِسْتِغَاثَةِ وَالدُّعَاءِ فَالدُّعَاءُ أَعَمُّ حَيْثُ يَكُونُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ أَمَّا الْإِسْتِغَاثَةِ فلا تكون إلا في الشدة. Donc le cheikh il explique, bon, al-istighatha c'est une forme d'adoration qui s'appelle al-istighatha. C'est quoi al-istighatha? Al-istighatha c'est, hein, comme le cheikh il dit, talabul ghawth. C'est-à-dire qu'on va dire que tu es dans une situation de danger, tu crains pour ta vie, hein, tu es dans une grande détresse. Et là, tu implores Allah et tu demandes le secours d'Allah. C'est ça, al-istighatha. D'accord? Et il mentionne le verset 9 dans Surat al-Anfal à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Lorsque vous demandiez, hein, le secours d'Allah, alors il vous a exaucé, il vous a répondu. Donc, vous demandez le secours de votre Seigneur, il vous a exaucé. Le Cheikh il dit donc que al-istighatha c'est de demander à Allah le secours. Et il dit que c'est de demander, en fait c'est un dua, al-istighatha, c'est un dua. Sauf que c'est un dua spécifique, dans un contexte ou dans une situation particulière. Et le Cheikh il dit qu'on doit faire une distinction entre al-istighatha, le fait de demander le secours d'Allah dans les moments de détresse, et l'invocation ordinaire. Il dit que le terme dua en arabe il est plus général, hein? Parce que dua tu le fais dans n'importe quel moment de difficulté et les moments d'aisance. Dua c'est général, tandis que al-istighatha ça c'est uniquement dans les moments de détresse et de grand danger. Donc quand tu es en danger, là tu vas implorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas appeler Allah au secours, tu veux lui demander son secours et sa délivrance. Donc ça c'est al-istighatha. Et al-istighatha ça doit être uniquement à Allah. Hein? Et le cheikh il dit wal-istighatha billahi khalisu haqqihi سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه الآية ضمن ما أخبر الله به عن أهل بدر، فذكر أن من نعمته عليهم أنه أجابهم حين استغاثوه، حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله فإنه استجاب له عز وجل وأمده بالملائكة ونصره على المشركين مع قلة عدد المسلمين وعدتهم وكثرة عدد المشركين وعدتهم. والسؤال هل يستغاث بالمخلوق؟ نعم. ومضى تفسير ذلك بالاستعانة. Donc le cheikh il dit que l'istighatha c'est un droit exclusif d'Allah. Hein? C'est un droit exclusif d'Allah. Et celui donc qui implore le secours d'autre que Allah dans les moments de détresse, il a commis le shirk. Et tu vois que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans cette forme de shirk parmi les Shia, Rafida et les Sufiya. Hein? Quand ils ont des détresses ou des moments de détresse, au lieu d'implorer Allah seul, ils se tournent et demandent aux gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ou Fatima ou Al-Hussein ou un des 12 imams parmi les imams. Et donc ils vont dire, Ya Ali, Ya Hussein, Ya, hein, comme ça. Ou bien les soufis, quand ils appellent leur cheikh ou le cheikh de leur tariqa ou le wali auquel ils croient, ils disent, Ya Rifa'i, Ya Badawi, Ya Shazili, Ya Rifa'i, Ya Tijani. Hein, ils ont tous une tariqa, donc ils appellent tous un cheikh différent. Ya Jilani. Donc tout ça c'est du shirk akbar mukhrij min al-milla. Tu ne dois pas invoquer et appeler au secours des créatures. Hein? Et comme je disais une fois, j'ai raconté aux frères l'histoire d'un des gros soufis de l'Afrique de l'Ouest, Al-Hajj Omar al-Fouti. Al-Hajj Omar Tal al-Fouti. Hein? Et c'est lui qui a propagé la tariqa Tijaniya dans l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, au Mali et dans ces régions-là. Et subhanallah, il a écrit un livre et dans son livre, il dit dedans qu'il y avait une femme qui était dans la tariqa Qadiriyya. Hein, et il l'a vue quand elle avait un danger, elle a appelé Abdul Qadir al-Jilani. Elle a dit non, ne demande pas l'aide, le secours d'Abdul Qadir al-Jilani, demande le secours d'Ahmed Tijan à la place. Hein. Donc c'est comme remplacer un shirk par un autre shirk. Et beaucoup de gens ont dit, Ahmed Tijan, pas Ahmed Tijan, mais Al-Hajj Omar Al-Fouti, hein, qui vient du Fouta au Sénégal, dans le nord du Sénégal, le Fouta. Donc il a dit qu'il est venu pour propager l'islam, puis pour faire le djihad contre les animistes. Vous savez c'est quoi les animistes? Les animistes, c'est des gens qui adorent pas une idole, ils adorent des esprits, ils croient en des esprits, hein, des djinns, d'accord? Et donc tu vas pas les voir se prosterner devant une idole, mais ils adorent, ils font du shirk en adorant les djinns. C'est comme les haïtiens là qui font du vaudou par exemple, qui croient au vaudouisme. Ils adorent qu'est-ce qu'ils appellent en créole les lois. L-O-A-S. L-O-A-S. Les lois. Et ça, c'est des djinns, en réalité. Hein? Et donc, ça, c'est une façon de faire le shirk. Et donc, eux, beaucoup de peuples en Afrique, ils avaient cette croyance-là. C'est des animistes. D'accord? Et donc, il dit, moi, je suis venu pour les combattre, puis ramener les gens à l'islam. Et surtout à la tariqa Tijaniya. Donc en fait son djihad, c'était pas pour l'islam, mais c'était surtout pour établir la tariqa Tijaniya. Alors qu'il y avait d'autres tariqa qui étaient présentes, comme la Qadiriyya et d'autres, mais c'était de remplacer une par l'autre. Et il avait été chargé de cette mission par le successeur de Ahmed Tijan lorsqu'il était à Médine à l'époque. Naam. Et donc c'est ça. Et ensuite, pour revenir au sujet, al-istirata, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9 dans sourate Al-Anfal, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Lorsque vous demandiez le secours de votre Seigneur, alors il vous a exaucé, il vous a répondu. Et il dit que ce verset-là a été révélé à propos de la bataille, les gens de la bataille de Badr. Hein? Ils ont appelé le secours d'Allah. Hein? Et ça, c'est pour leur mentionner, hein, c'est pour mentionner la grâce que Allah leur a fait lorsqu'il a répondu à leur détresse, à leur appel de détresse et leur demande d'aide et leur appel au secours. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, implorait le secours d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala les a exaucés et il leur a envoyé des anges. Il leur a envoyé des anges pour venir à leur support, pour les supporter. Hein? Et le cheikh il dit, Allah lui a donc donné la victoire sur les mouchriquins. Alors qu'ils étaient peu nombreux et qu'ils avaient peu de préparation, peu d'armes, et que les mouchriquins, eux, étaient plus nombreux, un grand nombre, et qu'ils avaient peu d'armes. Et yani, c'est pour dire, yani, ils étaient 300 contre 1000, et ils ont gagné, hein, cette bataille de Badr. C'était une grande victoire, yani, subhanallah. Et donc, dans la note de bas de page, Cheikh il mentionne un hadith dans le tafsir de Sahih al-Bukhari et mentionné également par Muslim, le fait que les anges sont venus pour aider les croyants. Et il dit, c'est un hadith rapporté par Omar radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة. Donc le hadith qui dit que lorsque c'était le jour de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a regardé les mouchriquins, ils étaient 1000, il a regardé, hein, que, alors que les sahaba ils étaient 300 comme on a dit tout à l'heure, et ils étaient 319 à peu près. Alors il s'est tourné vers la Qibla et il a étendu ses mains vers le ciel et il a imploré son Seigneur, « Oh Allah, hein, accorde-moi ce que tu m'as promis. Hein, donne-moi ce que tu m'as promis. Oh Allah, si tu fais périr ce petit groupe parmi les gens de l'islam, personne ne t'adorera plus sur terre. » Et il a continué à implorer son Seigneur en élevant ses mains, en se tournant vers la Qibla, au point où le vêtement qui était sur lui, comme il avait un rida sur ses épaules, comme une couverture ou un drap qui le couvrait sur ses épaules, et en levant ses mains, il tombait, hein, tellement en faisant les invocations. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu, il le prenait puis il lui remettait sur ses épaules. Et yani, il dit, ça suffit, ô prophète d'Allah, c'est suffisant, ton imploration de ton Seigneur est suffisante, il va exaucer ce qu'il t'a promis. Et Allah a révélé ce verset, le verset 9 dans Sourate Al-Anfal, dans lequel il dit, et lorsque vous implorez, que vous demandiez le secours de votre Seigneur, et qu'il vous a exaucé, et qu'il il vous a donné, hein, il a fait descendre pour vous 1000 anges, hein, 1000 anges pour combattre les mouchriquins avec vous. Donc ils étaient plus que 300 en réalité avec les anges, hein, ils étaient même plus nombreux que les mouchriquins. Les mouchriquins ils étaient 1000 et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils étaient 319, il a dit, mais en plus avec 1000 anges, hein, donc ça veut dire qu'ils étaient plus nombreux. Et ils les ont battus. Et le cheikh, il dit que la question, est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut appeler au secours une créature? Est-ce qu'on peut appeler au secours une créature, c'est-à-dire un être humain ou, hein? Est-ce que ça c'est permis? Il dit le cheikh, oui, c'est permis, mais selon les mêmes détails qu'on a mentionnés pour al-isti'ana, c'est-à-dire pour la demande de l'aide. Donc il y a les trois catégories, les trois conditions, pardon, qui doivent être présentes pour al-istira'a, comme pour al-isti'ana. Et l'exemple de ça, c'est yani la première condition, c'est que il faut que la personne que tu appelles au secours ou auquel tu demandes dans les moments de détresse, que premièrement elle soit capable de faire qu'est-ce que tu lui demandes et que ce soit quelque chose qu'un être humain est capable de faire. OK. Deuxièmement, il faut que la personne soit vivante. Donc si tu demandes le secours d'une personne qui est morte, alors là, dans ce cas-là, ça c'est, bien entendu, c'est interdit, c'est du shirk majeur. Et la troisième condition, il faut que la personne soit présente. Il faut que la personne soit présente. Et si la personne, elle est absente, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas l'implorer ou l'appeler au secours. Et c'est important ça, parce que il y a des gens parmi les gens de Bid'a, les gens qui ont été séduits par le shirk. Parmi leurs shubuhat à ce sujet-là, c'est qu'ils disent que al-istirata, c'est pas du shirk. D'appeler quelqu'un parmi les créatures qui est morte, ils disent que ça c'est pas du shirk. Ou bien al-isti'ana, ils disent que ça c'est pas du shirk. Pourquoi? Pourquoi ils disent que c'est pas du shirk? Ils disent parce que c'est pas un dua. Et même il y en a qui, même parmi eux, il y en a même qui refusent de dire que le dua c'est une adoration. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Le dua c'est l'adoration, hein, par excellence. Comment tu peux dire après ça que c'est pas une adoration? Après eux ils disent al-istirata wa al-isti'ana, c'est pas du shirk de le faire pour autre que Allah, parce que ça voudrait dire que si on appelle quelqu'un à notre aide dans la rue, que on a commis du shirk. Et la réponse à ça, les ulama ils ont dit non. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça, si tu demandes à quelque chose à quelqu'un que seul Allah peut faire, oui, ça c'est du shirk dans ce cas-là. Mais si tu demandes à quelqu'un qui est vivant, qui est présent, hein, qui est capable de t'aider, tu lui demandes quelque chose alors qu'il est vivant, il est présent, il est capable, alors dans ce cas-là, ça c'est pas du shirk. Hein, c'est pas du shirk. La preuve de ça. Hein, attends. Je vais vous mentionner la preuve de ça dans le Coran. Dans le verset 15 de Sourate Al-Qasas, dans le verset 15 de Surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne l'histoire de Moussa alayhi salam. Et il dit: wa dakhala al-madinati ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi فاستغاثه الذي من شيعته على عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Ce qui signifie Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Et il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup de poing et l'acheva. Hein? Donc ça, c'est la preuve que quelqu'un peut appeler un autre être humain au secours, comme ici. Il a appelé Moussa au secours, mais il était présent, il était vivant. Si quelqu'un il appelle Moussa au secours aujourd'hui, ça c'est du shirk akbar. Mukhrij min al-millah. Mais à l'époque de Moussa, alors qu'il était présent, il était là, il était vivant, il lui demande quelque chose qu'il est capable de faire, que ça, qui ne rentre pas dans les choses que seul Allah peut faire, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, c'est pas du shirk. Hein? Ou bien il y en a d'autres parmi les soufis, hein? une des shubha qu'ils ont donné, c'est que non, mais finalement c'est pas du shirk, parce que ad-du'a c'est pas du, une ibada, c'est un nida, c'est un appel. Donc ils disent que al-istighatha c'est un appel, c'est pas un du'a aussi, ils disent ça parfois. Et an-nida ça rentre dans le du'a aussi. An-nida ça veut dire d'appeler. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, lorsque les prophètes l'ont appelé, fanadahu, hein? Il mentionne un prophète, wa laqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Donc ça veut dire nadana, il nous a appelé. Ça veut dire qu'il a invoqué Allah. Donc le nida aussi, ça rentre dans le dua, et donc il n'y a pas de différence entre le nida ou le dua ici. Et le fait de respecter les conditions, dans ce cas-là, si tu respectes les conditions quand tu appelles une personne qui est vivante et présente, et tu lui demandes ce qu'elle est capable de faire et ce qui ne rentre pas dans ce que seul Allah est capable de faire, alors dans ce cas-là, c'est pas du shirk. D'accord ? Est-ce que c'est bien clair ? Oui ? Khair, inshallah. Ensuite, قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Le cheikh, il dit que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit la preuve du sacrifice, fait d'égorger, d'immoler un animal, que ça c'est une adoration. Quand tu immoles un animal, tu sacrifies un animal pour Allah. Ça rentre dans l'adoration. Parmi les preuves de ça, le verset 162-163 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah seul, le Seigneur des mondes. Hein? Et dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que maudit soit celui, que Allah maudisse celui qui a sacrifié un animal ou égorgé un animal pour autre que Allah. Pour autre que Allah. Le Cheikh, il dit ensuite, il explique donc cette adoration-là et les règles par rapport à ça. Il dit, الآية فيها الأمر بالإخلاص في عدة أشياء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له بالإخلاص لله فيما تضمنته الآية، وذلك لأمور عدة. الأولى الصلاة، وسواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، والفريضة من باب أولى في الإخلاص. والصلاة شاملة للفرائض والنوافل، ودليل شمولها ودليل شمول النوافل العموم وهو في قوله تعالى قل إن صلاتي، والثاني ونسكي وهو الشاهد في الآية أو الشاهد من الآية، والنسك الذبيحة كالهدي والأضحية. Donc les cheikhs, on va traduire ça en premier. Dans le verset, il y a l'ordre de faire preuve de sincérité et de pureté dans plusieurs choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné. Et la umma, par conséquent, a été ordonnée également parce que tout ce qui est ordonné en général au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la règle générale, c'est que c'est ordonné à la umma aussi, excepté dans les cas où il y a la mention d'une exception. Si c'est spécifié que c'est particulier pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, on va dire que non, ça ne s'applique pas à la umma au complet, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en règle générale, qu'est-ce qui est ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ordonné à la umma au complet. Et le cheikh, il dit donc que qu'est-ce qui est ordonné ici, c'est al-ikhlas, c'est-à-dire de faire preuve de sincérité et de pureté dans notre adoration. Et le cheikh, il dit donc qu'il y a plusieurs choses qui sont mentionnées dans le verset. La première, c'est la salat, puisque dans le verset 162-163, Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, « Ma salat, inna salati, inna salati ». Donc ma salat, c'est la première chose qui est mentionnée. Et à salat, il dit peu importe que la salat soit une prière surérogatoire ou une prière obligatoire. La prière obligatoire, elle mérite encore plus qu'on soit sincère et qu'on ait une intention pure, quand on la fait. Mais la prière, quand on dit as-salat, ça comprend les obligatoires et les surérogatoires aussi. Et la preuve que ça comprend également les prières surérogatoires, c'est le sens général. En arabe, on dit, que dans des cas comme ça, si quelque chose est mentionné, de façon indéfinie, donc ça c'est un des signes qui indique que c'est al-umum, yani le sens général qui est voulu. Et le cheikh, il dit, deuxièmement, la deuxième chose qui est ordonnée, wa nusuki. An-nusuk, c'est quoi an-nusuk? C'est le sacrifice, l'immolation, fait d'immoler un animal ou de faire une offrande, ou de faire un sacrifice. C'est ça an-nusuk. Wa mahyaya, troisième chose, wa mahyaya, ma ahya alayhi min ahwal, wa mamati, ay ma amutu alayhi lillahi rabbil alamin. هذه أربعة أشياء تضمنتها الآية وتضمنت الأمر فيها بالإخلاص لله عز وجل لأنه محض حقه. Donc le cheikh, il dit ensuite, la troisième chose qui est mentionnée, c'est al-mamat, mahyaya wa mamati. Donc ma vie et ma mort. Ma vie, c'est-à-dire mahyaya, c'est-à-dire ce sur quoi je vis. Et mamati, ce sur quoi je meurs, appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et donc, ce sont quatre choses qui ont été mentionnées, qui sont impliquées dans le verset, et qui comprennent l'ordre de la sincérité. Qui implique l'ordre de la sincérité, parce que c'est un droit exclusif d'Allah. La sharika lahu wa bidhalika umirt. La sharika lahu, ça veut dire il n'a aucun partenaire, et c'est ceci qui m'a été ordonné, c'est-à-dire de faire preuve de sincérité dans l'adoration. Donc, c'est ceci qui m'a été ordonné, وأنا أول المسلمين. Et je suis le premier des musulmans. Ou bien on peut dire aussi le premier de ceux qui se soumettent à Allah. Et donc le cheikh il dit فَهُوَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أُمَّتِهِ وَغَيْرِهِمْ. Donc il dit et je suis le premier des musulmans, c'est-à-dire le premier à me soumettre, et c'est donc le guide des musulmans, de sa umma et des autres également, de sa umma et des autres également. Et le cheikh il dit ensuite wa min as-sunnah, et la preuve dans la sunna que c'est une adoration, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allah man dhabaha bi ghayri Allah. Al hadith fi sahih Muslim an Ali radiyallahu anhu qala hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi arba'in. لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آو من لعن لعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. Donc le cheikh il dit dans ce hadith qui est rapporté par Muslim, la partie qu'on a lu, que Allah maudisse celui qui a égorgé un animal pour autre que Allah, ça c'est seulement une partie du hadith en réalité. Le hadith il est plus long que ça. Et le hadith au complet, c'est le suivant qui est rapporté par Muslim selon Ali radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris ou nous a mentionné quatre paroles. Quatre phrases. La première, que Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre que Allah. Ça, c'est la première. La deuxième, que Allah maudisse celui qui maudit ses parents, ses deux parents. Que Allah maudisse celui qui maudit ses deux parents. Et le troisième, la'ana Allahu man awa muhdithan. C'est-à-dire que Allah maudisse celui qui protège ou qui défend un criminel, ou bien qui défend ou qui protège un innovateur. Ça, c'est les explications que les ulama ont données là-dessus. Et l'autre hadith, c'est la dernière phrase du hadith, c'est que Allah maudit celui qui change les bannières sur la terre. Et pas les bannières, mais on dit ça là, j'ai oublié le terme. Yani, vous savez que, par exemple, il y a des terrains parfois, et que sur les terrains, il y a des, on met des, parfois des indicateurs pour montrer la distance, où est-ce que commence le terrain, où est-ce qu'il termine. Comme on, si on veut les frontières, comme par exemple, quelqu'un il a une terre. Oui, c'est ça. Donc, il y en a des fois des gens qui veulent tricher comme ça, ils changent le truc qui marque la limite de son terrain, et il la met un peu plus loin pour gagner un peu d'espace dans son terrain. C'est ça, en fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, « La'ana Allahu man ghayyara manar al-ard ». Qu'Allah maudisse celui qui change cet indicateur-là qui indique là où se délimite le terrain qu'il a, hein, dans le but de s'approprier une partie du terrain qui ne lui appartient pas. Allah musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le cheikh il a mentionné donc le hadith, puis il explique certaines paroles qui sont mentionnées dans ce hadith. Il dit وَاللَّعْنُ مِنَ اللَّهِ طَرْدُ الْمَلْعُونَ وَإِبْعَدُهُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Donc le cheikh il dit que la malédiction d'Allah, la l'an, ça veut dire la malédiction, Lorsque c'est Allah qui maudit, ça veut dire qu'il veut chasser la personne maudite et l'éloigner de la miséricorde d'Allah. Et Allahu min al-makhluq talab at-tardi wa al-ib'ad min rahmatillah. Donc quand une créature ou un être humain demande la malédiction d'Allah sur quelqu'un, c'est ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire que la personne, elle demande à Allah de l'éloigner de sa miséricorde. La personne demande à Allah d'éloigner cette personne de sa miséricorde. C'est pas permis dans l'islam de maudire une personne de façon spécifique. C'est pas permis en islam de maudire une personne spécifiquement, de dire toi que Allah te maudisse, hein? Mais de façon absolue, de façon générale, comme si tu dis par exemple que Allah maudisse les kuffars, ou que Allah maudisse les injustes, ou que Allah maudisse les juifs, ou que Allah maudisse les chrétiens, ou que Allah maudisse les yani, c'est ça, tu peux cibler un groupe parce que c'est des groupes que déjà, en plus, même Allah les a déjà maudits, ces gens-là. C'est mentionné dans les hadiths du prophète et c'est mentionné dans le Coran. Allah il dit dans le Coran, فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٍ. Il y a plein d'autres, par exemple, la femme qui dit, نِسَاءُ الْكَاسِيَاتُ عَرِيَاتٍ رؤوسهن كأزنمة البخت المائل إلعنوهن فإنهن ملعونات. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il y a des femmes qui vont venir à la fin des temps, elles sont habillées, mais c'est comme si elles sont nues, et elles attirent et elles sont attirées, et il a dit maudissez-les car elles sont maudites. Donc t'as pas le droit de maudire une femme en particulier, de dire toi t'es maudite, mais tu peux dire de façon générale que Allah maudisse les femmes qui sont kasiyat ariyat, par exemple. Non. Mais pas de maudire la personne en particulier, parce que c'est pas toi qui décides ça. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a maudit des personnes en particulier parmi les mushrikines, les têtes des mushrikines qui faisaient du tort aux musulmans, il a fait le qunut, du'a al-qunut dans la salat, hein, et il levait les mains puis il invoquait contre ces personnes-là en particulier, et il disait oh Allah maudit un tel et maudit un tel et maudit un tel, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset dans lequel il dit laysa laka min al-amri shay, hein, c'est-à-dire tu n'as aucune décision dans ça, tu n'as aucune décision dans cette affaire. Donc ça dit c'est Allah qui décide qui il éloigne de sa miséricorde et qui il guide, hein. Et donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son invocation contre eux n'a pas été acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, beaucoup d'entre ceux-là sont devenus musulmans, beaucoup d'entre ceux-là contre qui ils faisaient des doigts. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit laysa laka min al-amri shay, hein, c'est pas à toi que ça, tu n'as rien à décider dans ça, la guidance ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est à ce sujet, donc al-la'n. Et puis après le cheikh il dit wa mahallu shahid huwa ما اقتصر عليه المؤلف لعن الله من ذبح لغير الله. لا بد من بيان أمور في الذبح يجب التنبه إليها ووعيها، لأن كثيرا من الناس يقول أنا ذبحت كذا هذا لغير الله، وذلك خلط عجيب لقلة الفقه. Hein? Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce de cette parole et de ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah maudisse celui qui égorge ou sacrifier un animal pour autre que Allah, eh bien, il dit il faut expliquer certaines choses à propos du sacrifice, parce que il y a des gens qui, parfois, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent « Ah, moi j'ai égorgé quelque chose, hein, j'ai égorgé un animal. » Et il dit « Ça c'est pour autre que Allah. » Donc, est-ce que ça rentre dans le shirk, dans ce cas-là, hein? Et le shaykh, il dit « فَعْلَمُوا أَنَّ الذَّبْحَ قِسْمَانِ ذَبْحُ عَادَةٍ وَذَبْحُ عِبَادَةٍ ذَبْحُ عَادَةٍ وَذَبْحُ عِبَادَةٍ الأول ذبح عادة ليس فيه أجر ولا وزر هذا الأصل الأصل فيه عدم الأجر وعدم الوزر وعدم الإثم من ذبح العادة ذبح الذبائح للبيوت أو الاجتماعات لاجتماعاتهم الخاصة ومثال ذلك تخرج مجموعة أناس أو عوائل إلى مكان ويذبحون ما تيسر لهم ذبيحة أو ذبيحتين أو أكثر أو أقل هذا في الأصل ليس فيه أجر ولا وزر ما لم تدخله نية فإن الوزر والأجر مرتبان على النية أو مرتبان على النية فإذا دخلته نية طيبة كإعفاف الرجل بهذه الذبائح أولاده وآل بيته فله أجر وإن دخلته نية سيئة كالفخر والخيلة وكسر نفوس الفقراء كانها عليه وزر إذن فليس في ذبح العادة أجر ولا وزر لذاته. Donc le cheikh il explique que sachez que le sacrifice, hein, le fait d'égorger un animal, c'est de deux catégories. Première catégorie, qu'est-ce qui est quelque chose que tu fais en tant que coutume? C'est-à-dire coutumier, c'est-à-dire quelque chose que tu fais qui est une habitude ordinaire. Hein, quelque chose qui est coutumier, c'est-à-dire dans le sens que tu as besoin d'égorger un animal parce que tu veux manger cette viande. Hein? Donc, ou bien tu t'en vas quelque part, comme le cheikh il dit, un groupe de personnes qui s'en vont quelque part pour aller faire comme un barbecue par exemple ou quelque chose comme ça. Puis ils amènent avec eux des animaux pour les égorger et pour les manger. Hein? Un, deux ou trois moutons par exemple. Hein? Il dit ça c'est à la base il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de récompense dans ça. C'est quelque chose que tu fais, c'est ordinaire. Sauf selon ton intention. Tu peux avoir, selon ton intention, la récompense pour qu'est-ce que tu fais, comme tu peux aussi, parfois, selon ton intention, être puni. Et il donne l'exemple. Il dit quelqu'un, par exemple, qui veut faire ce sacrifice, il égorge cet animal pour nourrir ses enfants et sa femme, et sa famille. Donc lui, il est récompensé. Tandis que l'autre qui sacrifie, il égorge l'animal, mais c'est pas parce qu'il veut se nourrir avec, mais lui il fait ça pour se montrer, pour se vanter, pour dire qu'il est généreux, hein, et des choses comme ça, et pour montrer aux pauvres que yani, il est riche. Ça c'est une mauvaise intention. Et à cause de ça, la personne elle sera punie, hein, si elle fait ça dans cette intention-là. Donc, dans le sacrifice qui est, disons, ordinaire comme ça, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de récompense, excepté selon l'intention de la personne. D'accord? C'est comme quand quelqu'un il égorge l'animal pour manger ou des choses comme ça. Hein? La deuxième, le cheikh il dit, وَالثَّانِي ذَبْحُ الْعِبَادَةِ وَهَذَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ شَرْعِيٌ وَبِدْعِيٌ وَشِرْكِيٌ فالشرعي ما شرعه الله عز وجل إما وجوبا كالهدي والأضحية وهو الذي نرجحه والمندوب كالذي يذبح صدقة عن موتاه أو عن نفسه. Le Cheikh, il dit, donc, sinon peut-être, oui, ok. Il dit que le sacrifice que tu fais par adoration, donc la première catégorie, c'était le sacrifice que tu fais de façon ordinaire ou de façon coutumière, c'est pas par adoration que tu sacrifies cet animal ou que tu l'égorges. C'est juste pour manger. Donc il dit dans ce cas-là, c'est hein, selon l'intention de la personne. Ici, le sacrifice que tu fais et lorsque tu égorges un animal pour adorer Allah, il y en a trois catégories. La première catégorie, c'est qu'est-ce qui est shara'i, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en accord avec la législation islamique, c'est-à-dire que tu le fais pour Allah et c'est Allah qui l'a ordonné et qui l'a légiféré. Donc ici, il donne comme exemple le sacrifice, l'offrande, hein, et ça c'est des choses qui sont soit obligatoires ou soit selon certains ulama recommandées, comme celui par exemple qui fait un sacrifice pour sadaqa pour les pauvres. Il veut nourrir des pauvres, alors il égorge dans le but de les nourrir, ça c'est hein, sadaqa. Et puis il peut le faire pour lui-même ou bien pour quelqu'un qui est mort. On va dire, par exemple, tu as quelqu'un de ta famille qui est musulman, qui est décédé, ton père, ou ta mère, ou quelqu'un comme ça, et toi, tu veux yani faire une sadaqa pour eux. Alors, tu sacrifies cet animal pour Allah, puis tu offres la viande aux pauvres comme sadaqa, en espérant que Allah, ou en souhaitant que Allah donne la récompense de cette sadaqa pour tes parents. Ça, oui, ça, c'est correct. Ça, c'est... il n'y a pas de problème avec ça. Deuxième, il dit le Cheikh, الثاني من ذبح أو من ذبح العبادة وهو البدعي البدعي كالذي يذبح عند قبر لله معتقدا أن لها مزيد فضل عند هذا القبر فهو لم يقصد صاحب القبر بذبيحته ولذا كانت ذبيحته من البدعة لما تقدم فسميت بدعة لأنه عبد الله في مكان لم يشرع الله فيه العبادة. Donc le Cheikh il dit que la deuxième catégorie c'est le sacrifice ou le fait d'égorger l'animal par adoration, mais d'une façon qui est innovée, hein, dans l'innovation, dans la bid'a. Et il donne comme exemple quelqu'un qui va à une tombe, hein, en faisant son sacrifice pour Allah, mais en croyant que le fait de l'égorger à cet endroit-là, ça a un mérite supplémentaire, qu'il aura plus de mérite que s'il l'égorge ailleurs. Donc, dans ce cas-là, la personne qui a fait ce sacrifice, elle n'a pas eu comme intention de sacrifier pour la tombe. Hein? Donc, ce n'est pas du shirk. Mais ça rentre dans... C'est-à-dire, ce n'est pas du shirk majeur dans ce cas-là. Parce qu'il n'a pas égorgé pour le mort. Il a égorgé uniquement à cet endroit-là en croyant que cet endroit-là, elle a un mérite particulier. Donc, ça rentre dans la bid'a. Et on pourrait dire même que ça rentre dans... que c'est une forme de shirk mineur dans ce cas-là. Ça peut être même considéré comme une forme de shirk mineur, hein, parce que c'est quelque chose qui peut amener quelqu'un aussi à tomber dans le shirk majeur. Parce que toi, tu vas aller à la tombe pour égorger. Hein. Peut-être que cette tombe, c'est la tombe d'un homme pieux ou de quelqu'un. Hein. Et peut-être que sur cette tombe, il y a une mausolée. Hein, il y a une mausolée. Mausolée, ça veut dire un grand tombeau. Donc, yani, toi, tu vas aller là-bas. Tu vas, si quelqu'un, par exemple, il va là-bas, il égorge l'animal à côté de la tombe. Tu lui dis, ya akhi, pourquoi tu égorges ici? Il dit, non, mais si j'égorge ici, ça vaut plus. Hein? Si j'égorge ailleurs, ça vaut moins. Ici, j'égorge ici, ça vaut plus. Bien entendu, si tu lui demandes, c'est quoi la preuve de ça? Il n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que d'égorger à côté d'une tombe, ça vaut plus que d'égorger ailleurs. Mais lui, il suit ses désirs et sa passion comme ça. Alors, le cheikh il dit hein, que dans ce cas-là, ça c'est une bid'a. Si la personne qui la voit faire ça, elle ne sait pas son intention. Quelqu'un, il arrive, il voit cette personne en train d'égorger l'animal à côté de la tombe. Il commence à se poser la question et peut-être qu'il se dit, ah, peut-être que cette personne qui fait ça, elle fait ça parce que ça c'est pour le wali. Donc peut-être que ça rentre dans qu'est-ce qui est ordonné dans la religion ou qu'est-ce qui est bien. Et là, elle commence, elle, à penser que de faire ça, c'est quelque chose qui est correct. Puis là, elle va venir avec son animal, elle aussi, pour imiter cette personne, égorgée. Au lieu de le faire pour Allah, elle le fait pour le mort. Hein? Parce qu'elle n'a pas, su l'intention de l'autre personne. Ton intention, elle est dans ton cœur. Personne ne peut la voir. Hein? Donc le fait d'être à cet endroit-là pour faire ça, toi tu dis, moi je le fais juste pour Allah, je ne le fais pas pour le mort ou pour la tombe. Hein? Je ne le fais pas en le faisant par adoration pour le mort. Mais la personne qui te voit de l'extérieur, comment elle va faire pour savoir ça? Elle ne peut pas distinguer. Et si elle n'a pas de science, elle risque d'être trompée par ça. Et peut-être qu'elle va vouloir même hein, le faire elle aussi à cause de ça. Donc ça rentre dans les formes de shirk mineures parce que ça rentre dans al-wasa'il. Ça rentre dans les moyens qui amènent quelqu'un à tomber dans le shirk. Toute chose qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk majeur, c'est considéré comme une forme de shirk mineur. D'accord? Et donc ici, non seulement c'est une innovation, non seulement c'est une bid'a, mais c'est une forme de shirk mineur. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré à quelqu'un d'adorer Allah à cet endroit-là. Il n'y a aucune preuve dans le Coran ni dans la Sunna que d'adorer Allah à côté d'une tombe, de faire des adorations près d'une tombe, qu'il y a un mérite particulier de le faire. D'accord? Donc en inventant ça, hein, tu as innové dans la religion. La troisième catégorie, et on va s'arrêter ici, il dit al-thalith wa huwa al-shirki, hein, al-dhabhu al-shirki. Et il dit wa huwa al-dhabhu li ghayrillahi kal-jinn wal-qubur wal-asnam yathbahu taqarruban ila ha'ula talaban minhum raf' ad-darajat aw khawfan min sharrihim. Hadha huwa al-shirki alladhi yanqulu أو الذي ينقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر والذي كانت عليه قريش والمشركون ولعله بهذا التفصيل اتضح الفرق بين الذبائح. Donc le cheikh dit la troisième catégorie c'est le sacrifice ou l'immolation qui est shirk, qui rentre dans le shirk majeur, c'est le fait de faire le sacrifice par adoration d'autres, pour adorer autre que Allah, hein, pour autre que Allah, comme pour le djinn, hein, ceux qui font des sacrifices pour le djinn, hein. Comme je disais tout à l'heure, les lois dans le voodooisme, eh bien, les haïtiens, ils font ça. Ils sacrifient des animaux pour les lois, hein, pour leurs djinns qu'ils adorent, hein. Allah al-musta'an. Et il y a quelques années, je me rappelle, il y avait une vidéo sur YouTube à ce sujet-là. C'est un Australien qui est parti. Hein, en fait, lui, qu'est-ce qu'il faisait, cet Australien-là? Il partait dans plein de pays dans le monde pour voir les différentes pratiques religieuses des différentes... oui, et il est allé en Haïti pour voir qu'est-ce que le voodooisme et tout. Oh, subhanallah, c'était vraiment catastrophique. Et yani Allah al-musta'an. Donc c'est pour dire ça rentre dans le shirk, hein, ou le fait de sacrifier pour une tombe ou pour une idole ou peu importe, yani tout ça c'est du shirk, d'immoler, de sacrifier, de faire une offrande. Il y a même des mushrikines qui font des sacrifices humains. Il y a même des mushrikines, parmi les mushrikines et les kuffars, qui font des sacrifices humains. Et ça, on l'a entendu aussi, même chez les voodooisants aussi, et on l'a entendu aussi chez d'autres. Ils vont voir des sorciers, ils demandent aux sorciers quelque chose, ils disent, ok d'accord, si tu veux avoir ça, il faut faire un sacrifice. Ils vont dire, tu dois sacrifier un bébé. Donc, il cherche un bébé, il trouve un bébé, ou soit il le vole, ou bien il prend peut-être même son propre enfant, il va le sacrifier pour le djinn. Pourquoi il fait ça? Parce que le shaitan, il lui promet en échange, peut-être de lui donner la célébrité, ou de lui donner la richesse, ou de lui donner quelque chose comme ça parmi les choses de la dunya, hein? Une femme qu'il veut. Donc tout ça, c'est des exemples de shirk billah, et ça existe, hein, des choses comme ça, Allah musta'an. Et ça, c'est encore plus grave. Quand quelqu'un fait des sacrifices, non seulement il tue un être humain, hein, mais il fait le shirk, mais en plus il tue un être humain en même temps. Ça, c'est encore plus grave. Tandis que si c'est un animal, c'est moins, c'est quand même du shirk aussi grave, parce que c'est shirk, mais c'est pas comme un meurtre en même temps, tu vois. Allah al-musta'an. Donc comment les gens, Allah il le dit dans le Coran même. وكذلك زين لكثير من المشركون من المشركين قتل أولادهم. Allah il a le shaitan. Non, il dit c'est ainsi qu'on a enjolivé à beaucoup d'entre les mushrikines le meurtre de leurs propres enfants. Subhanallah. Donc ça, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent encore. Dernièrement, même, j'ai entendu quelque chose en Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps. Un homme qui a égorgé qui a sacrifié son propre enfant, de 4 ans, je pense. Tout le monde était vraiment consterné de une chose pareille. Allah al-Musta'an. Et le Cheikh dit ensuite Wal-Qubur wal-Asnam, na'am, talaban minhum rafat darajat. Donc ils font des sacrifices à des tombes, à des djinns, à des idoles, en cherchant d'eux l'élévation dans des degrés, ou par crainte de leur mal. Des fois c'est pour les amadouer. Et ça j'ai entendu et j'ai vu même dans certains pays musulmans, quand ils vont par exemple faire un projet, soit construire une maison, soit construire un bâtiment ou quelque chose, et les ouvriers, quand ils vont commencer à creuser pour faire le chantier de construction, ils vont amener un mouton, hein, pour l'égorger à cet endroit-là. Ils disent ça va calmer les djinns pour pas qu'ils nous attaquent ou qu'ils nous fassent du mal. Et ça, c'est un exemple aussi de shirk, hein, par crainte du mal des djinns ou yani Allah al-musta'an. Et le shirk, il dit ça, c'est shirk. Et ça fait sortir de la religion. Ça fait tomber dans le kufr. Et donc il dit que c'est ce que pratiquaient les mushrikines de Quraysh, et peut-être que maintenant c'est plus clair maintenant en ce qui concerne la question des sacrifices. Donc on va s'arrêter ici. Oui. Oui, tafaddal. Oui, comme ça. Moi, Naam. Mais s'ils font le sacrifice comme si pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et pour chercher, comme si pour par générosité pour les pauvres ou des choses comme ça, c'est bien. Mais s'ils font le sacrifice de cet animal parce qu'ils ont acheté une nouvelle maison, ils pensent que par exemple il y a des djinns et ils veulent oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça là, ouais. Bon, si c'est pour Allah, dans ce cas-là, c'est pas du shirk. Si ça a été égorgé pour remercier Allah et yani pour. Non. Yani oui, si les gens font ça, parce que j'ai jamais vu dans la sunna que lorsque quelqu'un il a acheter quelque chose de nouveau, une maison, une voiture, qu'il va venir le sacrifier un animal dessus ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas connu comme étant des choses qui amènent la protection d'Allah, parce que c'est pas de cette façon-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de chercher la protection en lui contre quelque chose de mal, tu vois. Donc, si c'est dans cette intention-là, dans ce cas-là, yani, semblerait que ce soit pas, d'après ce que je sais, wallahu ta'ala a'lam, ça c'est pas une sunna de faire ça, ce genre de sacrifice-là auprès d'une maison pour la protection. Et comme tu dis, si c'est pour protection, demander à Allah, comme moi j'aurais pensé par exemple que si c'était fait pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, hein, dans ce cas-là, oui, c'est une adoration, tu fais un bien. Mais si c'est pour demander à Allah la protection en faisant ça, yani, je vois pas il n'y a pas nécessairement un lien entre les deux. Et il n'y a pas de preuve, comme, d'après ce que je sais, pour justifier le fait de demander la protection en faisant un sacrifice. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Hanté. Non. En fait, encore une fois, comme tu dis ça, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que premièrement, ça n'existe pas des maisons hantées, parce que les gens qui croient en les maisons hantées, ils croient que l'âme, quand quelqu'un il meurt, que son âme elle peut rester quelque part puis hanter les gens qui sont dans cette maison là alors que on sait très bien dans la sunna que lorsque une personne meurt, son âme elle est dans le barzakh, elle peut plus revenir dans ce monde. Donc, elle ne peut pas venir troubler ou déranger les créatures. Ceux qui, parfois, les djinns qui peuvent faire ça, les djinns qui vont vouloir jouer des tours aux êtres humains, et pour les faire tomber dans le shirk, alors ils vont prendre des moyens de shirk pour se protéger d'eux. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat al-Jinn, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزادوهم رهقا. Donc ils cherchaient la protection des djinns, hein, Allah musta'an, ils faisaient le shirk avec les djinns. Donc ça c'est en réalité ce qui se passe. Et donc dans des cas comme ça, la protection d'Allah elle ne s'obtient pas en faisant des sacrifices d'animaux dans ce cas-là. Mais comme tu dis, si c'est pour réciter le Coran, il y a des preuves que le shaitan il rentre pas dans la maison dans laquelle on a récité surat al-Baqara. Donc il y a une preuve pour ça. Et par rapport aussi au dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné à quelqu'un de demander la protection d'Allah contre quand quelqu'un ça se procure trois choses, ou quand il a trois choses lorsqu'il se marie. Lorsqu'il prend une femme, il demande à Allah de lui donner le bien qui est en elle et de le protéger contre le mal qui est en elle. S'il a une nouvelle maison, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner le bien qui est dans cette maison et de le protéger du mal qui est dans cette maison. Et quand il a une nouvelle monture aussi, ça c'est ce que j'ai lu. Mais sinon, d'autres détails à ce sujet-là, je ne connais pas, mais je vais essayer de vérifier pour avoir plus de détails. Et inshallah, je te donnerai plus d'explications la prochaine fois, inshallah. D'accord? Non, pas pour écarter. Ouais, de lire le Coran, ça va. Lire le Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de réciter le surat al-Baqara ou de faire les du'as, hein, de faire les du'as, ça aussi. Et les shayatins et les djinns, en général, ils aiment les endroits sales. Alors, le fait, oui, ils aiment les toilettes, les endroits sales, c'est là-bas qu'ils restent. Ouais, donc, si tu... Ouais, ça aussi, ça fait, c'est comme al-khubs ou al-khaba'ith, c'est comme certains ulama ils disent, c'est les djinns mâles et femelles. Shaitan, mâle et femelle. Donc, ils vivent dans les toilettes, ils vivent dans les endroits sales, ils aiment ça. Donc, si tu nettoies la maison bien et que tu enlèves toutes les choses, ça aussi c'est une chose qui peut aider à les faire fuir ou à les enlever. Et ils n'aiment pas le rappel d'Allah. Donc, si tu fais le rappel d'Allah, Ayatul Kursi aussi. Oui, oui, c'est ça. Donc, mais comme je te dis, pour plus de détails, je vais vérifier ça pour être capable de t'expliquer si, la prochaine fois, Inch'Allah. وإياكم بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين